Kim Yong-dae, vice-président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, s'est entretenu le 16 septembre au palais des congrès de Mansudae avec Emmanuel Hogg, directeur de l'AFP et sa suite, qui lui ont rendu une visite protocolaire.